Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini-Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site Internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... L'entreprise Usinage HP de Dolbeau-Mistassini connaît une croissance plus qu'intéressante. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 700 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage numérique HP, 210 rue Beauchamp, Dolbeau-Mistassini, 418-239-0827. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. On va parler de baseball. Il y a une grosse nouvelle qui est survenue la semaine passée. À prime abord, ça me semble être une grosse nouvelle, mais notre invité est un précurseur de ce qui s'est passé avec le baseball cubain. Il connaît très bien les rouages du baseball cubain. C'est Michel Laplante, puisqu'il a eu à négocier plusieurs ententes avec les autorités cubaines. On va savoir un peu l'entente qui est survenue entre les ligues majeures de baseball et les autorités cubaines, afin que les joueurs cubains vont pouvoir venir jouer en Amérique du Nord sans être... vu comme des gens qui fuient leur pays. Si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle pour le baseball, quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Michel! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Michel, tu es un précurseur, tu connais très bien les autorités cubaines là-bas, tu as négocié plusieurs ententes. La nouvelle qui est survenue là, la semaine passée avec les autorités cubaines, que les joueurs vont pouvoir venir jouer en Amérique du Nord sans qu'ils soient vus comme des gens qui fuient leur pays, comment t'as accueilli ça, toi? Ben étonné, parce que bon, c'est une situation qui bougeait pas depuis quoi, 1960, donc depuis l'embargo. Donc on entendait parler à un moment donné qu'il allait avoir certaines ouvertures, puis on pensait que ça serait étape par étape. Mais là, tout à coup, cette annonce-là arrive d'un peu là du champ droit. Et c'est super, dans le sens c'est super pour la liberté des gens. Enfin que les États-Unis puissent accepter un joueur cubain, je pense que ça va changer carrément. L'espoir de ces jeunes-là qui veulent. Faut comprendre là, que c'est pas le fait que le gouvernement cubain n'acceptait pas que le joueur cubain joue aux États-Unis, c'est que les Américains n'acceptaient pas de verser aucune somme à un joueur cubain. Donc, faut voir un peu la différence dans ça. Et maintenant, les joueurs vont pouvoir le faire tout en gardant leur citoyenneté cubaine. Maintenant, moi, j'ai pas tous les détails de la nouvelle entente. Est-ce que c'est comme au Japon ou est-ce que c'est jusqu'à l'âge de 25 ans que le joueur est protégé? Puis ça, je pense qu'il y a des nouvelles, il y a des choses à l'intérieur de toutes ces clauses-là qu'on va savoir plus là, dans les prochaines semaines. Moi, je suis à Cuba pour 3-4 jours là, au début janvier pour négocier l'entente avec eux pour soit nos joueurs qui vont jouer avec les Capitales ou encore l'équipe nationale cubaine qui va venir nous visiter cet été. Donc, on devrait en savoir plus à ce moment-là. OK, mais tu me disais, puis Mark Griffin me l'a confirmé également, puisque Mark, il dit, je te lève avec Michel une couple de fois à Cuba, puis le calibre a baissé. Là. Donc, c'est plus du tout ce qu'on pensait. Puis moi, j'ai été très surpris quand tu m'as dit ça, parce que je m'aurais attendu, moi, que, tiens, on voit les Cespedes, on voit les Lourdes Gurriel, on voit également les Yacel Puig, des joueurs cubains qui sont quand même de très, très bons joueurs, gagnés de la grosse argent, là. Je m'aurais attendu, moi, que les Cubains continuent, mais c'est pas ça que tu m'as annoncé, là. Non, parce que le calibre a baissé, puis l'ouverture aux les joueurs coréens, les joueurs japonais, c'est rendu de plus en plus large aussi, c'est plus difficile de compétitionner. Le pays, là, en termes de développement, a beaucoup, beaucoup de niveaux, et puis la force, c'est les joueurs de volleyball cubains, ben, c'était une puissance là, dans les années 90, les boxeurs, les joueurs de baseball, je veux dire, il y avait tout ça, mais là, les programmes, depuis qu'ils ont pris l'appui de certains pays, avec l'embargo qui se poursuit du côté des États-Unis, ça a été très, très, très difficile pour eux autres de développer. Donc, il y a encore des bons joueurs de talent, c'est sûr, mais c'est ça. Je pense pas qu'on voit là, éclore là, 20 joueurs cubains l'an prochain qui vont évoluer dans le baseball majeur, c'est pas ça du tout. Il y a des joueurs aussi qui ont signé des gros contrats cubains. Les attentes étaient élevées, puis finalement, ça n'a pas abouti comme on espérait. C'est qu'il y a une réputation derrière ça qui peut être négative à un certain point aussi. Là. OK. Si on parlait un peu, le soccer aussi est en train de rattraper le baseball à Cuba, hein? Ben, de plus en plus. Je veux dire, le même phénomène, en fait, qu'on a partout aux États-Unis, c'est la même chose. Le soccer a progressé. Ouais. Un peu moins depuis 2 ans, mais si on prend là de 2005 à 2015, le soccer a progressé beaucoup, là ça se stabilise, mais dans tous les sports, c'est sûr que le pourcentage aller chercher au soccer vient enlever un pourcentage dans d'autres sports. OK. Est-ce que pour le baseball majeur, est-ce qu'on pourrait avoir des joueurs, des réservistes dans la Ligue des Trois également, des joueurs cubains, des vétérans qui n'ont pas nécessairement d'avenir dans le baseball majeur, mais est-ce que tu penses que ce qu'on va voir là, c'est vraiment la grosse vedette, puis les joueurs cubains qui sont de moyenne importance vont rester à Cuba? Le Cubain dans l'ensemble est très, très, très rêveur. Donc, plusieurs joueurs cubains moyennes font des règles de 3, comme on fait un peu tout le monde, où on se dit moi j'ai déjà joué avec lui. J'étais aussi bon que lui, mais pourtant il a joué dans le baseball majeur où il a joué à tel niveau. Les Cubains font beaucoup ça. Ouais. Les joueurs qui côtoyaient les Cespedes, puis les Gurriel, puis tout ça, puis que la moyenne était presque la même. Ben ils se disent, écoute, moi j'ai passé à 2 cheveux de faire 25 millions. Et quand on fait des règles de 3 comme ça, ben on serait tous très très riches, tous très très doués. Ouais. Et évidemment qu'à Cuba on joue beaucoup là-dessus. Puis on va avoir quelques déceptions parce que ce qu'on réalise pas, c'est qu'au niveau de A3A, il y a un fort calibre de jeu et malheureusement, il y a très peu d'élus qui se rendent jusqu'en haut, même si les stats des fois sont très, très bonnes. Fait que ça, tant mieux parce que l'ouverture est plus grande, mais la possibilité vraiment d'arriver en haut est pas beaucoup, beaucoup plus grande parce que, comme je dis, il y a seulement 700 joueurs en haut de la pyramide sur environ 2-3 millions qui le pratiquent. Donc, c'est pas facile. Comment que c'est négocié avec les autorités cubaines? Est-ce que c'est une ouverture? Ben, toi, t'as quand même été... tu dois sûrement avoir des bonnes relations avec les autorités cubaines puisque ça va bien avec toi, là. Puis t'as des capitales et ainsi de suite. Mais comment ça a été au départ? Est-ce que si on montait une... Moi, dans mon cas, ça a été carte sur table. Puis pas prétentieux. Je pense qu'en relation là, internationale, c'était pas prétendre qu'on en sait plus que l'autre. À la base, là, donc on laisse tomber les armes. Puis à plusieurs reprises, on m'a demandé qu'est-ce que je ferais dans telle situation. Puis j'ai regardé les gens en face de moi, puis je disais, vous, qu'est-ce que vous feriez? Et un peuple qui a été un petit peu je dirais pas méprisé, mais dans l'ensemble, là, qui a souffert de certaines choses. De se faire demander son opinion puis d'accepter l'idée, je pense que c'est ce qui a été à la base quelque chose qui a bien été. Ils vivent sur un régime avec lequel je suis pas d'accord, mais on n'est jamais tombé du côté politique. On parlait de sport, puis on disait jusqu'à quel point le sport pouvait être une ouverture entre les cultures, une ouverture pour le développement, puis tout ça. Et là-dessus, on était sur la même longueur d'onde, puis on a toujours gardé les bases là-dessus. Je vois Québec qui a joué. Quand venait le temps de glisser un peu politique, On s'abstenait de chacun de notre bord. Fait qu'à cause de ça, on était capable d'avancer, de commencer par un joueur qui joue par les capitales, par quatre joueurs, puis finalement l'équipe nationale au complet qui jouait contre nous. Et on s'en tenait qu'au sport. Dans l'ensemble, les joueurs cubains qui jouent pour l'équipe nationale, est-ce qu'ils sont bien traités par leur pays? Je dirais que ça dépend de la vision de chacun. Si on philosophe un petit peu, là, juste à quatre enfants dans une même famille n'ont pas la même interprétation de la façon qu'ont été éduqués de leurs parents. Ouais. Trop sévère ou pas. Donc, faut faire beaucoup attention à ça. Nous, quand on les regarde de l'extérieur, ben, il y a des choses qui nous sont aux yeux. On a l'impression qu'ils sont bien encadrés. On a l'impression qu'ils sont trop encadrés. Donc, ça dépend toujours de chacun. Mais tu sais, il y a eu des séquences dans ce régime-là dans les 30 dernières années où ce que probablement qu'il y a eu des coachs qui étaient plus sévères que d'autres. Puis la réaction du peuple cubain par rapport à la défaite est très, très, très exagérée. Là. Donc, l'équipe nationale cubaine qui joue dans un tournoi international puis qui termine 7e, ben si vous pensez que quand l'équipe nationale de hockey termine 6e aux Jeux Olympiques, ça va, imaginez ce que ça fait à Cuba. C'est 7x2. On dirait que le pays au complet est blessé puis vient de perdre. Là. Donc c'est pas aussi fou que le soccer dans les pays d'Amérique du Sud, le Brésil ou peu importe. Là, c'est pas aussi fou que ça. Là, j'espère. Non, c'est pas. C'est pas pareil. Que les gens deviennent agressifs, mais la fierté en prend un coup. Ouais. Ah ok. Les joueurs cubains qui jouent avec les capitales, on dit souvent que jouer avec les capitales c'est des. C'est sur le bien-être social, là. Sauf qu'eux autres, là, le bien-être social, la pauvreté, ils connaissent ça, là. Eux autres, quand ils viennent au Québec, ils se sentent-tu... Encore une fois, c'est une perception qu'on a. Moi, j'ai la chance, quand je vais à Cuba, d'être invité chez un et l'autre de temps en temps. Puis c'est pas des joueurs qui sont maltraités. Ils sont très, très bien. Ils ont de tout. C'est des belles maisons, c'est des joueurs qui gagnent leur vie seulement à jouer au baseball, ils n'ont rien d'autre que ça à faire, qui se concentrent sur l'entraînement, comparativement à un athlète professionnel ici. Bon, on s'entend que les salaires, c'est pas les mêmes, mais le gars n'a pas à avoir peur pour certains paiements, pas à avoir peur pour sa famille, puis un coup qu'il joue plus au baseball à l'âge de 33-34 ans, ben il a encore tous les services jusqu'à sa mort ou presque. Donc, il y a un petit côté où le souci, où la pression est, à part celle du jeu, là, est beaucoup plus basse. Donc, je veux dire, j'enlèverais pas le système qu'on a ici. Là. Je prends notre système avant, puis les gains que les athlètes peuvent faire. Mais disons, si on compare un joueur au niveau 2A aux États-Unis versus un joueur qui joue dans la ligue professionnelle à Cuba, mais le joueur est beaucoup mieux traité à Cuba qu'il l'est aux États-Unis. Pour avoir joué des mineurs pendant 6 ans, on avait 20$ par jour pour manger. Ben, un joueur qui joue professionnel à Cuba, la nourriture qu'il veut, la salle d'entraînement qu'il veut, puis le transport, la maison, puis tout ce qui vient avec. Donc, écoute, c'est juste très différent. J'ai parlé avec Abraham Taureau cet été, fait une entrevue avec, puis ça n'a pas beaucoup évolué. Puis là, moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'association des joueurs là-dedans fait quoi, là? Tu sais, je trouve ça dommage, tu sais. C'est un autre débat. Michel, on va faire une pause par la suite et on vient juste parler de puisque je t'ai. Il arrive quoi avec le baseball indépendant? Là? Vous êtes à l'écoute d'entrevue avec Michel Laplante sur les ondes de DanRadioSport.com. Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto. Au 1770 boulevard Wahlberg de Lebeau-Mistassini au 418-276-0570. Laval et tout le personnel du restaurant Oma Chinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Oma Chinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien au 418-679-3339. Vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, C'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missassigny, au numéro de téléphone 88-276-9383. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. On est de retour à danadosport.com comme invité le président des Capitales de Québec, Michel Laplante. Michel, avant de terminer ce sujet, l'entente également avec le baseball cubain avec puis les autorités du baseball majeur, est-ce qu'on va avoir plus de joueurs cubains dans le baseball indépendant aussi? On le sait pas. Okay. Si jamais la règle est comme celle du Japon, où est-ce que ça prend 25 ans? Pour aller jouer, avoir le contrat libéré et aller jouer aux États-Unis, effectivement, qu'on pourrait avoir encore plus de joueurs. Maintenant, il faut que ce soit le choix des entraîneurs aussi, puis de Patrick. Donc, moi, quand c'est des opérations comme ça, c'est plus à Patrick. Mais est-ce qu'il y aurait possibilité de obtenir plus de joueurs? Je pense que c'est possible. On va le savoir dans quelques semaines lors de la rencontre. OK. Dis-moi, le baseball indépendant en 2019, il y avait des rumeurs qu'on parlait de fusion de certaines ligues et ainsi de suite. Ou au moment où on enregistre le podcast, c'est le 21 décembre. Il y en a quoi là présentement? Je pense que le souhait est là, la plupart de chacune des ligues. Maintenant, comment on réussit à unifier tout ça? Comment on laisse les égaux de côté, où ce que certains disent que leur ligue est meilleure, d'autres disent que la française dans leur ligue a plus de valeur, comment on met une équité sur tout ça. Je pense que au moins, là, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va avoir une ligue encore bien plus tritante la journée que bon, on peut jouer contre Saint-Paul, on peut jouer contre Winnipeg, on joue contre d'autres villes du côté de l'Ouest. Déjà que cette année, bon, c'est un step vers l'avant parce qu'on joue contre les Étoiles de la Frontier à la mi-juillet au match des Étoiles. Donc, on sent que c'est ce que tout le monde veut faire. Maintenant, on va-tu être capable de l'amener aussi vite qu'on le souhaiterait? Ben là, ça, c'est une autre étape. Penses-tu que ce serait possible de décrocher un petit contrat de télévision s'il y aurait une fusion de ces ligues-là? Écoute, je suis pas sûr que ce serait la raison pour laquelle on aurait un contrat ou pas. C'est très cher pareil, là, les ouais. droits d'un match. Donc, c'est de réussir à vendre autant de pubs. La TV, même on le voit au niveau du sport professionnel, là, ce qu'on pensait être une hausse il y a 4-5 ans des assistances là, à la TV, des téléspectateurs et le contraire est en baisse. Donc nous, on le souhaite. On souhaite même avoir quelques matchs dès cette année à la télévision. Ah oui? OK. C'est une habitude. Puis de le faire, on en parlait depuis plusieurs années, mais on arrive de plus en plus proche de ça. Pas à tous les matchs, évidemment. C'est un horaire qui est trop chargé, mais avoir, je sais pas, moi, à tous les mardis ou à tous les mercredis, le baseball de la CANAM, c'est quelque chose qu'on aimerait. Ah, c'est quand même une nouvelle intéressante. Donc, les chances, il y a des possibilités qu'on ait des capitales à la télévision. Moi, je pense que c'est possible. On regarde ça. On aimerait ça. Mais tu sais, c'est parce que moi, je regarde. La télévision a besoin de contenu aussi. C'est bien beau de dire pas cher, mais c'est du contenu. Puis, il me semble qu'avoir une ligue à 20 équipes, ça donne une crédibilité beaucoup plus grande pour approcher les téléviseurs, les ESPN ou encore les Sportsnet, TSN ou peu importe. Une ligue à 20 équipes qu'une ligue à 6 équipes. C'est pour ça que je trouve. En fait, pour la télévision, mais pour les partenaires, les partenaires corporatifs, pour tout ce qu'on veut faire, pour amener une visibilité qui est plus grande, donc on joue contre des différentes équipes. Le spectateur aussi, c'est le fun de penser qu'il voit différents joueurs. Quoi qu'on remarque, quand les rivalités se créent, les gens aiment ça aussi. Mais non, juste pour la stabilité du baseball en général, d'avoir un plus gros regroupement d'équipes, c'est ce que tout le monde souhaite. Bon, en tout cas, ben, ce serait intéressant. Michel, joyeuse fête, bonne année, toujours intéressant de te parler. Puis au plaisir de se reparler, puis en espérant grandement que les Capitals soient à la télévision. Ben merci, joyeuse fête à tout le monde. Le président des Capitals de Québec, Michel Lapierre.